Ici Maxime Coutier. Aujourd'hui, l'histoire, l'apothicaire, ancêtre du pharmacien moderne. Et c'est ainsi que le docteur Samuel Doxey, votre serviteur, met à votre disposition le résultat de 30 années de recherche, l'élixir du docteur Doxey, qui vous rendra instantanément et infailliblement vos forces et votre jeunesse. Par ici, mon pauvre ami. Yama! Et voilà, notez l'incroyable transformation. Cet homme a rajeuni de 20 ans. J'en veux! Et t'as demandé! J'en veux! Extrait de Lucky Luke, produit en 1983, l'épisode L'élixir du docteur Doxey. Le docteur Doxey, charlatan dans ce cas-ci évidemment, mais aussi alchimiste, botaniste, inventeur et apothicaire, l'ancêtre du pharmacien moderne. Personnage un peu curieux qui, parfois et souvent même grâce au hasard, a mis au point des remèdes presque miracles. Sirop, médicaments, onguents, élixirs, l'apothicaire a fait beaucoup pour le bien de l'humanité. Des recettes de grand-mère jusqu'à la pharmacie moderne, de la préhistoire jusqu'à nos jours. Voici ce que Champlain écrit. Durant l'hiver, il se mit une certaine maladie entre plusieurs de nos gens, maladie qu'on appelle mal de la terre, autrement scorbut. Il s'engendre dans la bouche de ceux qui l'avaient de gros morceaux de chair superflus et baveuses qui causaient une grande putréfaction, laquelle surmontait tellement qu'il ne pouvait presque plus prendre aucune chose autrement que bien liquide. Les dents ne leur tenaient presque point et on pouvait les arracher avec les doigts sans leur faire de douleur. On leur coupait souvent la superfluité de cette chair qui leur faisait jeter le sang par la bouche. Après, il leur prenait une grande douleur de bras et de jambes, lesquelles leur demeuraient grosses et fort dures, toutes tachetées comme des morsures de puce, et ils ne pouvaient pas marcher à cause de la contraction des nerfs, de sorte qu'ils demeuraient presque sans force et sentaient des douleurs intolérables. Ils avaient aussi des douleurs de reins, d'estomac, de ventre, une toux fort mauvaise et courte haleine. L'historien Victor Tremblay, en 1966, faisant la lecture d'un extrait du journal de Samuel de Champlain qui décrit les effets du scorbut, c'est tiré de La petite histoire d'un grand royaume, diffusé en 1966. Les marins de Champlain, malheureusement, vont mourir, mais ceux de Jacques Cartier, demi-siècle plus tôt, vont être sauvés par les Autochtones à l'époque, qui vont leur suggérer des tisanes. Tisanes de cèdre blanc ou de conifère, c'est pas tout à fait clair, mais on sait que l'effet sera absolument spectaculaire sur les malades, une semaine à peine, quelques jours. Un épisode sans doute qui aurait pu se retrouver dans le livre de mon invité, « Curieuses histoires d'apothicaires », c'est écrit par Gilles Barbeau, professeur émérite de l'Université Laval, ancien doyen de la faculté de pharmacie, qui se passionne pour ces histoires d'apothicaires. Bonjour. Bonjour. Évidemment, il y a beaucoup d'images qui nous viennent en tête hein, quand on parle de l'apothicaire. Moi, il y a ce personnage avec les fioles, avec des tablettes, des armoires qui sont remplies de pilules ou bien d'onguents ou autres. C'est quoi l'apothicaire? C'est quoi un apothicaire? Ou c'était quoi, puisqu'il faut en parler au passé? Oui, l'apothicaire fait référence beaucoup à un mot latin, ou un mot grec d'abord, apothèque, ou apotheca en latin, qui voulait dire l'endroit où on range. En fait, l'apothicaire fait référence beaucoup à un endroit, le mot pharmacien fait référence à une profession. Alors, l'apothicaire, c'était celui qui rangeait des bouteilles, des préparations, des drogues, des plantes, peu importe, et qui en a fait une profession. Et au fur et à mesure, dans l'Antiquité, jusqu'au 19e siècle, on a gardé le nom d'apothicaire. D'ailleurs, le mot apothicaire est transmis par, je pense, à Cassiodore, qui était un philosophe historien latin, qui commente Platon, dans le Gorgias, je pense, et qui commente Platon en disant dans Platon que le médecin prescrit et l'apothécarius... Mm-hmm. exécute l'ordonnance. Alors déjà, au 5e siècle, parce que c'est au 5e siècle que Cassiodore mentionne ça, il y a le mot apothicaire qui est transmis, apothecarius, et le mot reste. Le reste va même donner le mot apothicairerie, qui seront en fait, apothicairerie est en fait une pharmacie d'hôpital au 17e, 18e, 19e siècle, et même pratiquement jusqu'au 20e siècle, chez les religieuses. Par exemple, ici au Québec, on parlait d'apothicairerie, et les religieuses s'appelaient des apothicairesses. Oui, déjà à l'époque. Parce que de tout temps, on a cherché, dès la préhistoire, j'imagine, on a cherché une façon de De soulager les maladies. Oui, parce que j'imagine que quelqu'un qui se faisait piquer par un insecte ou mordre, il se cherchait à se soulager. Et probablement, comme je l'explique un peu, probablement qu'il utilisait ce qu'il avait sous la main au départ, puis par essai et erreur, va finalement trouver des plantes, des minéraux qui vont le soulager. Et comme ça, ben, au fur et à mesure, il va observer les animaux aussi. Les animaux, par exemple, qui avaient la diarrhée, mangeaient des certaines plantes qui contenaient du tanin. Ceux qui avaient des indigestions mangeaient des plantes qui les faisaient vomir. Alors, l'observation des animaux, ceux qui avaient des parasites se roulaient dans la boue, l'observation des animaux va amener ces gens curieux aussi à concocter des préparations puis à proposer certaines plantes pour certains maux. Alors, chez nous, évidemment, en Nouvelle-France, on l'a entendu dans l'extrait, hein, dès le début, dès que Jacques Cartier arrive, il y a cet épisode bien connu de scorbut, où les Autochtones vont venir à la rescousse, vont sauver littéralement ces marins qui sont malades. Donc, dès le début, on peut dire qu'il y a une forte influence de la médecine traditionnelle autochtone, qui n'était peut-être pas très différente. En tout cas, c'est ce que nous dit. On va l'écouter, Bernard Assinioui, historien, écrivain, homme de communication. On l'écoute, c'est en 1989, à l'émission Au fil du temps. Sur les 347 plantes qui sont inclus dans mon livre, je peux vous garantir qu'il y en a encore au moins 300 qui sont utilisés en médecine moderne. Quand on appelle médecine moderne, en fait, on parle de pilules, on parle de décoction, de sirop, de tout ce que vous voudrez. Ils sont faits à base d'herbes, ils sont faits à base... Ça n'est pas une médecine ancienne. L'herboristerie n'est pas une médecine ancienne, c'est une médecine de tous les jours. Sauf qu'on l'a mis dans des quantités concentrées qui font que ça agit immédiatement alors que ça devrait agir lentement. Alors qu'on devrait laisser le corps s'habituer aux choses. Selon notre tradition à nous, il ne fallait pas donner de choc au corps. On a réussi à adapter à notre médecine, on a adopté une quarantaine de plantes qui nous ont aidés depuis 465 ans à faire évoluer cette médecine. Je suis né en 1935 et je me rappelle qu'en 1941-42, les herbes dont je parle dans mon livre, on les achetait chez l'apothicaire, chez le pharmacien. Le pharmacien du coin avait des pots et toutes les herbes y étaient. Alors, ça n'est pas une médecine ancienne, une médecine des temps anciens, c'est une médecine qui était d'utilisation pendant la dernière guerre mondiale aussi. Alors, il ne faut pas se leurrer. On n'a pas pu rejeter l'entité de la médecine dite autochtone. Médecine autochtone, hein, bien présente chez nous. Est-ce qu'elle a été longtemps? Ou est-ce qu'elle l'est toujours? Je pense qu'elle l'influence encore parce que je voyais dans ce qu'on appelle les médicaments patentés, donc des médicaments secrets, qu'on utilise souvent les mots indiens pour nommer. Ah oui. En 1940-50, on avait l'eau sauvage, par exemple. Ça donnait comme une espèce de notoriété aux médicaments qu'on proposait. Et quand M. Assinioui parle de cette médecine des Amérindiens, j'ai été surpris de voir un petit peu par exemple, chez les Grecs. Les Grecs, quand on allait dans les sanctuaires d'Asclépios, par exemple, ou les Asclépiades, pour se faire soigner, on avait toujours cette partie où on chassait, je ne dirais pas les mauvais esprits, ils n'appelaient pas ça comme ça, mais on avait une partie de psychothérapie au début, avant de soigner le lendemain. Ce qui me faisait penser qu'à la médecine amérindienne, on avait le grand Manitou, le grand esprit, qui chassait le démon, puisque la maladie était considérée comme démoniaque, avant de soigner le malade avec les herbages, les plantes que l'on avait, qui étaient fort utiles. Vous évoquez les plantes, hein, justement, et on ne peut pas évoquer l'histoire des apothicaires chez nous, en tout cas au Québec, au Canada, sans parler de Louis Hébert, premier colon en Nouvelle-France, premier apothicaire sans doute de la colonie dès le début du 17e siècle. Il a des contacts avec les Autochtones dès le début, il apprend des Autochtones entre autres, et il va exporter ses découvertes en France. Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? Qu'est-ce qu'il fait à l'époque? Louis Hébert est déjà pharmacien quand il arrive ici. Il est venu déjà deux fois en Acadie, puis il revient à Québec en 1617 avec sa femme et ses trois enfants. Il a déjà en France une pharmacie. Il est quand même assez aisé. Et quand il arrive ici, il a une mission qui lui est confiée, qui lui a été confiée par le roi, c'est-à-dire d'identifier de nouvelles plantes et de les envoyer pour le jardin du roi. Alors c'est ça, et c'est pas le seul qui a cette mission-là. Tous les apothicaires qui viendront, avec des ordres, entre guillemets, auront à identifier de nouvelles plantes et de les retourner en France pour qu'ils soient cultivés dans le jardin du roi puis participer aussi à l'enseignement de la médecine. Alors Louis Hébert arrive ici, il s'installe, il a une mission de soigner et de nourrir le petit groupe de d'habitants qui mm-hmm. sont installés à Québec, mais aussi il a la mission de s'informer et de découvrir les plantes. Et à ce moment-là, la plupart des plantes qu'il va reconnaître, ce sont des plantes qui a connues en France, qui peuvent ressembler à ces plantes-là ici. Et les Amérindiens vont l'aider certainement, non seulement à identifier de nouvelles plantes, mais surtout lui montrer les effets de certaines plantes. Alors, c'est comme ça qu'il va apprendre la médecine amérindienne, qu'il va l'utiliser chez les colons et qu'il va envoyer en France certaines plantes médicinales, une quarantaine qu'il va envoyer en France, qui seront décrites par différents médecins en France. On trouve, je viens de trouver, il n'y a pas très longtemps, Denis Dodard, un grand médecin du roi du 17e, au 17e siècle, qui décrivait une plante qui lui avait été envoyée du Canada. Ah oui. Mais probablement par Louis Hébert. Louis Hébert était, on dit, le premier apothicaire, mais il y en a eu un autre avant lui dont on ne parle pas beaucoup, il s'appelle François Guiton. Il est venu avec Jacques Cartier en 1534-1535. Il était faisait partie de cet équipage-là. Et il y a un autre apothicaire dont on ne parle pas, parce qu'on y passe pour un médecin, c'est Robert Giffard, qui arrive après Louis Hébert. Et il a favorisé la colonisation, mais c'était aussi à Tourouve, en France, un apothicaire. Il avait une boutique. Apothicaire, donc, et vous l'avez dit plus tôt, apothicairesse, hein, parce que la colonie, ça se poursuit, la Nouvelle-France, et par la suite, les années, les décennies, il y a ces religieuses, hein, surtout, qui cultivent, qui s'occupent de ces médicaments ou de ces plantes traditionnelles. On va écouter encore une fois un extrait. Yolande Roy qui récite un texte dans lequel on parle des jardins de l'époque. C'est tiré d'une émission qui s'appelle « Présence du passé, 1979 ». Dans les trois hôpitaux de la colonie, une religieuse est désignée comme pharmacienne. Le petit coutumier des religieuses hospitalières de Saint-Joseph, publié à Montréal en 1872, nous apprend que la pharmacienne cultivera ou fera cultiver un petit jardin pour se procurer les herbes et les plantes qui entrent dans la composition des remèdes. Elle en fera cueillir dans les forêts par des personnes expérimentées. Quelquefois, les apothicairesses des différentes communautés qui avaient charge d'hôpitaux se visitaient pour échanger leurs formules de remèdes. Ainsi, les Ursulines des Trois-Rivières passent-elles un mois chez les hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec, où elles s'appliquèrent durant ce temps à voir comment on composait certains remèdes des plus communs et dont on use davantage. Comme il entrait dans la composition des médicaments des substances animales ou végétales qu'on ne retrouvait pas dans la vallée du Saint-Laurent, il fallait s'approvisionner à d'autres sources. Durant le régime français, le roi fournit annuellement aux hôpitaux de la colonie un coffre de remèdes. Il envoie également le mode de préparation des médicaments les plus utilisés par la pharmacopée de l'époque. Qu'est-ce qu'on découvre ici et qui demeure d'usage pendant plusieurs années? Ce qu'on a découvert, en fait, ce qu'on a exporté en France, ce que les religieuses ont envoyé en France surtout, c'est la pulmonaire, c'est une fougère qu'on utilisait pour les maladies du poumon, la térébenthine, donc la gomme de sapin, les cornes de cerf, ces choses-là, même de l'ours blanc qu'on a envoyé, du castoreum, un produit du castor, qui ont été envoyés en France. Les religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec, les Augustines, communiquait avec un apothicaire à Dieppe, M. Ferret, et ils échangeaient un peu. Ferret avait un cabinet de curiosités, donc il était intéressé à avoir des curiosités que les religieuses pouvaient envoyer, et ils échangeaient ça contre des remèdes que les apothicaires faisaient venir à Québec. Les apothicaires de Québec, des Augustines, ont vraiment communiqué et ont échangé. Non seulement ils faisaient venir des médicaments, mais ils en donnaient quelquefois ou en vendaient quelquefois aux médecins de Québec. Et ils ont vraiment développé, comme dit votre extrait, un grand jardin, le carré de l'apothicaire ou le carré, on l'appelait comme ça, le carré de l'apothicaire, dans lequel ils cultivaient des plantes. D'ailleurs, ils ont repris cette façon de faire à cause du 400e de l'arrivée de Louis Hébert à Québec. Pendant les fêtes, ils ont refait un jardin de plantes médicinales qui leur rappelait le jardin qui avait été fait à l'époque où ils cultivaient ce jardin-là. D'ailleurs, ils le disent, on veut avoir des plantes en graines parce que ça va nous coûter moins cher que faire venir des médicaments de France. Ah oui, tout à fait. Donc, il y avait un aspect utilitaire à la chose, bien sûr. Oui, absolument. À partir de quand ça se professionnalise ou à partir de quand on parle d'apothicaire à pharmacien? Ben, le mot apothicaire va disparaître lentement du vocabulaire français parce qu'en 1777, en France, on crée une école de pharmacie. Donc, ceux qui vont sortir de l'école de pharmacie vont s'appeler pharmaciens. Mmh. Ici, au Canada, au Québec en particulier, on a eu les apothicaires pendant le régime français. Lorsque le régime anglais est arrivé à partir de 1763, on avait quelques apothicaires qui étaient restés, mais on a surtout des apothicaires qui venaient d'Angleterre, qui s'appelaient chemist, druggist and apothecary. En Angleterre, le mot apothécaire a dévié, c'est devenu des médecins généralistes, alors oui. qu'ici, on a gardé le mot chemist, druggist et apothécaire, qui sont les ancêtres de nos pharmaciens. Alors, en 1788, il y a eu une ordonnance royale pour préciser le rôle et avoir une licence pour pratiquer soit le métier d'accoucheur ou de sage-femme, mm-hmm. soit le métier de chirurgien, de médecin et d'apothicaire ou de pharmacien. Alors, après, et au fur et à mesure, je pense par exemple à un nommé Olivier Giroux, qui était pharmacien à Québec, une grande dynastie de Giroux, qui en 1845 met pharmacien sur son annonce et non pas apothicaire. Il faut dire aussi qu'à une époque, après 1788, tous ceux qui étaient médecins pouvaient devenir apothicaires. Et souvent, les professions se sont mélangées, surtout apothicaires, chirurgiens apothicaires, apothicaires médecins. Et les apothicaires de l'époque visitaient et allaient à domicile pour donner des conseils, pour donner des clistères et faire des saignées et arracher les dents. Aussi. Et ça, les médecins, à un moment donné, plus tard, les médecins n'ont pas tellement aimé ça. Ils ont voulu contrôler un peu la pratique et aussi l'enseignement donné aux apothicaires. Ouais. Quel rôle joue parce que quand on lit votre livre, on se rend compte que souvent la découverte de ces médicaments ou de ces remèdes, ça relève souvent du hasard. C'est-à-dire, oui, il y a une hypothèse de départ et puis tout à coup, par la bande, oups, des médicaments célèbres qui ont été découverts comme ça. Quel rôle joue le hasard? Le hasard est important. Il est aussi important aujourd'hui, mais il était important à l'époque aussi, parce que évidemment, on faisait des essais avec ce qu'on avait sous la main souvent. Donc, on cherchait dans une plante ce que Paracelse appelait la quintessence, le principe actif. C'est Paracelse qui a dit qu'il fallait chercher dans les plantes ce qu'il y avait d'actif pour pouvoir l'utiliser. Alors, on a cherché, c'est le cas de Scheele qui a trouvé les acides, mais pendant longtemps, on a pensé que dans les plantes, il y avait des acides, des substances acides. Et c'est un étudiant en pharmacie, Serre Tournaire, qui en 1805, en faisant une recherche dans l'opium d'une substance acide, va se tromper et mettre de l'ammoniac dans la préparation et ça va lui sortir une substance alcaline qui va être la morphine. Ah oui? Alors, et ça a été... Donc la morphine est un accident de parcours? Oui. Absolument. La morphine, puis ce qui va en découler, la codéine et tout ça, ça a été des recherches qui n'ont pas vraiment planifié. La seule recherche planifiée du 19e siècle, vraiment, c'était l'aspirine. C'est sûr qu'on l'a découvert à partir d'une plante, le précurseur, mais mm-hmm. La compagnie Bayer a dit « je fabrique un analgésique pour concurrencer la compagnie EH ou les autres compagnies qui font des analgésiques ». Alors, je fabrique un analgésique et on a fabriqué l'aspirine avec une méthode peu coûteuse, efficace et rapide. Telle qu'on la connaît aujourd'hui. Telle qu'on la connaît aujourd'hui, oui. Même chose pour la morphine? La morphine, elle est toujours extraite de l'opium. Parce que c'est la méthode la plus simple. C'est comme la cocaïne, toujours extraite de la feuille de coca. Mm-hmm. Parce que c'est plus facile d'extraire la cocaïne que de la fabriquer comme ça, comme tel en laboratoire. Il y a des dérivés de cocaïne. Quand vous allez chez le dentiste, là, c'est fabriqué, c'est synthétique, ça. Quand on vous met quelque chose pour vous geler, Oui, tout à fait. C'est un dérivé de la cocaïne synthétique. Ouais. Pourquoi ce livre-là? Pourquoi vous vous intéressiez à ces... j'en reviens au titre, « Curieuses histoires d'apothicaires ». Qu'est-ce qui fait que vous êtes dit, tiens, j'ai envie de m'intéresser à l'histoire de ces pharmaciens ou ces alchimistes ou ces botanistes ou ces... appelons-les comme on veut? Tout me vient au fond de l'enseignement que je fais à l'Université du Troisième Âge. Alors, j'avais développé, il y a une dizaine d'années, des cours sur les grandes découvertes en médecine et en pharmacie. Et j'avais une série de 20 cours, des cours de 2 heures. Et je me suis dit, un jour, ça devrait servir à faire quelque chose. J'y ai pensé longtemps, et puis à un moment donné, je vais accoucher d'un bouquin qui s'inspire en partie des cours, mais pas complètement des cours, parce que j'ai ajouté de nouvelles informations dans ce bouquin-là qui me paraissaient importantes. Par exemple, Limousin. Limousin a fait l'oxygénothérapie à domicile. C'est pas rien, à l'époque, au 19e siècle, de faire de l'oxygénothérapie à domicile, de préparer un kit que les gens allaient chercher à la pharmacie et qu'ils emmenaient chez eux pour s'administrer de l'oxygène. À une époque où on s'intéressait beaucoup aux gaz, aux différents gaz, aux gaz carboniques, on a commencé vers 1845 à s'intéresser au protoxyde d'azote, le gaz hilarant, au chloroforme. Oui, alors, oui. Et à l'époque aussi, en Angleterre, il y avait un institut qui appelait l'Institut pneumatique Beddoes, qui testait chez des clients, chez des malades, les gaz. Alors tout ça, dans cette atmosphère-là, Limousin a proposé, parce qu'il y avait une mauvaise expérience avec des noyés, par exemple, proposé qu'on utilise l'oxygénothérapie à domicile, à fabriquer un kit pour l'oxygène à domicile. C'est intéressant. Puis, bon, il y a eu d'autres cas aussi là, qui sont intéressants aussi, mais... Mmh. Oui, il y a mille et une anecdotes avec... si on avait identifié peut-être un médicament, un remède au 19e ou au début 20e qui a marqué l'imaginaire, ce serait quoi? Ben, c'est l'aspirine. Carrément. Ah, oui, 1899, l'aspirine, ça a battu un record de vente. Ça s'est imposé automatiquement comme analgésique. Et il faut dire aussi morphine et cocaïne, parce que morphine et cocaïne n'étaient pas sous ordonnance. On pouvait s'en procurer, on pouvait s'en acheter. Alors, ça a été des grands médicaments. Je me rappelle d'un film où il y avait sur le comptoir une boîte dans laquelle on pouvait s'acheter de la morphine ou de la cocaïne. Alors, c'était amusant. Oui, mais l'aspirine, certainement, l'aspirine reste le grand médicament sur lequel il y a encore beaucoup de recherches pour les maladies des yeux, par exemple, pour le diabète, et qu'on ne connaît pas beaucoup parce que ce n'est qu'en 1970 qu'on a découvert le mécanisme d'action de l'aspirine. Donc, ça faisait 70 ans que l'aspirine était sur le marché sans savoir comment ça fonctionnait. Ce qui est peu rassurant. Est-ce qu'on a sous-estimé dans l'histoire le rôle de ces apothicaires? Certainement, parce que l'histoire de la pharmacie a été un peu ignorée parce que c'est l'histoire de la médecine qui a occupé tout l'espace et l'histoire des apothicaires qui sont des découvreurs, des inventeurs. Les apothicaires sont presque les seuls qui ont fait les grandes découvertes de médicaments qui existent toujours aujourd'hui. Oui. Il y a un côté justement inventeur, patenteux presque. Oui, patenteux, oui. C'était le cas de celui qui a fait le vin Mariani. Qui était? Qui était un vin à base de cocaïne qui est devenu Coca-Cola. Par la suite? Oui. Ah oui? Oui, oui. Carrément. Lui, qui était un médicament à l'origine. Oui, c'est ça que je dis dans le bouquin. Mariani, s'il avait été un beauceron, ça aurait été un patenteux, hein? Et il aurait fait fortune. Il aurait fait fortune. Parce qu'il s'en est vendu pas mal et il s'en vend toujours pas mal du Coca-Cola. Oui. Ben, des anecdotes du genre, il y en a plein dans ce livre. Mon invité Gilles Barbeau, professeur émérite à l'Université Laval, ancien doyen de la faculté de pharmacie, auteur donc de ce livre, Curieuse histoire d'apothicaire, c'est publié chez Septentrion. Très, très, très intéressant et un beau livre avec de belles illustrations de l'époque. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Je t'en prie. Si vous avez envie d'écouter notre émission, de rattraper nos émissions, vous pouvez toujours le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou bien vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Maxime Coutier en remplacement de Jacques Beauchamp. À une prochaine. Au revoir.